Le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle expérimente depuis 2020 un dispositif innovant au service des employeurs qui peinent à recruter en permettant de cumuler l'allocation RSA avec les revenus générés par un emploi dans certains domaines d'activité. Ce dispositif départemental cumule RSA revenus d'activité poursuit deux objectifs. Favoriser le retour à l'emploi des allocataires du RSA sans les mettre en difficulté financière, répondre aux difficultés de recrutement dans le secteur saisonnier agricole, celui du service à domicile médico-social, des EHPAD, du BTP et de l'hôtellerie-café-restaurant. Pour plus d'informations, contactez le conseil départemental de Meurthe-et-Moselle au 0801 802 800.